Le palais central de la jeunesse à Pyongyang a abrité le 7 un rendez-vous central pour le centenaire de naissance du martyr révolutionnaire Oh Jin-woo. Y ont figuré des cadres responsables du parti et de l'armée, des cadres des organismes du parti, du cabinet ministériel, des forces armées, des organisations des travailleurs et des établissements centraux, la famille du martyr, ainsi que des officiels des établissements, entreprises et usines et des méritants de la ville de Pyongyang. Le sous-maréchal Lee Myung-soo, membre du bureau politique du comité central du Parti Travail de Corée et chef d'état-major général de l'armée populaire de Corée, a fait un rapport qui indique notamment « Le combattant révolutionnaire anti-japonais Oh Jin-woo a défendu avec les armes les idées et directions du parti et du leader, s'est consacré entièrement pour la victoire de la cause révolutionnaire du Tse et la cause de la révolution de Sun-gun et a montré par la pratique comment se tenir son leader et son dirigeant. C'était une vraie vie de révolutionnaire authentique. La fidélité aussi pure comme la neige et la conduite révolutionnaire du martyr qui a soutenu de tout son cœur le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il resteront toujours dans la mémoire de tous les militaires et civils à travers la progression victorieuse de la révolution coréenne.